Le 13 janvier 2023, une manifestation intitulée « L'OMS et la Suisse, quelle suite ?» s'est tenue à Turbental, en Suisse. C'est l'association Public Eye on Science, dont l'objectif est de rendre la science transparente, qui a organisé l'événement. Le président de l'association et conseiller cantonal, Urs Hans, a animé la conférence. Il a dit de la première intervenante, le docteur Astrid Stuckelberger, qu'elle était, du côté des critiques, la personne qui connaît le mieux l'OMS. Madame Astrid Stuckelberger est scientifique, auteure de 12 livres, conférencière et spécialiste internationale en matière de santé. De 2009 à 2013, elle a travaillé à l'OMS, où elle s'est spécialisée dans les pandémies. Dans son exposé, elle a notamment parlé de la manière dont les directives et les principes internationaux ont été ignorés lors de la prétendue pandémie du Covid. Dans le monde entier, on a attisé et exacerbé la peur au sein de la population. Les individus ont été orientés de manière ciblée et poussés à se faire vacciner avec l'ARN messager. Madame Stuckelberger déclare que ces procédés sont totalement contraires à l'éthique et à la démocratie. Écoutez maintenant l'exposé passionnant du docteur Astrid Stuckelberger dans son intégralité. Voilà, je vais faire en français pour être sûre, certaine, que vous allez comprendre l'évidence exacte des mots. Ich werde es auf Französisch sprechen, damit ich sicher bin, dass ihr wirklich das versteht, was ich sagen möchte, die Evidenz und dass wirklich die Wörter sind, die ich meine. Voilà, la première chose, c'est que on m'a demandé mon rapport avec l'OMS, mais j'ai étudié à l'OMS, j'ai travaillé à l'OMS, j'étais expert à l'OMS. Also, ich wurde gefragt, was ist mein Bezug zur WHO? Ich habe bei der WHO studiert, ich habe dort gearbeitet, ich war dort Expertin. Mm-hmm. Et en particulier pour les épidémies et le management des pandémies, j'étais sous contrat pendant 3 ans et demi. Und ich hatte einen 3,5-jährigen Vertrag, insbesondere zum Thema Pandemien und wie man mit Epidemien umgeht, Epidemienmanagement. Voilà. Et donc j'ai aussi fait partie du comité d'éthique de la recherche pendant 4 ans. Und ich war auch 4 Jahre lang Teil des Ethikkomitees für zum Thema Recherche. Forschung, ja, internationale Forschung, comme expert indépendante. Als unabhängige Expertin. Donc, je suis expert en santé publique et je veux juste expliquer qu'est-ce que c'est. Also, ich bin Expertin im Bereich öffentliche Gesundheit und ich möchte kurz erklären, was das bedeutet. Pas beaucoup comprennent ce que ça veut dire. Wenige verstehen, was das eigentlich bedeutet. Parce que c'est une particularité scientifique où vous rassemblez la science sur tous les aspects pour des décisions politiques. Es ist etwas Besonderes in der Wissenschaft, wo man alle Aspekte in der Wissenschaft sammelt, um nachher politische Entscheidungen fällen zu können. Mais aussi la science pour les publics et pour protéger la santé du public. Aber auch sur tous ces aspects. Die Forschung für die Öffentlichkeit und um die Öffentlichkeit zu schützen. Voilà. Et donc dans le National Forschungsprogramm ALTER, j'étais avec professeur Öpflinger. Und ich war mit Leiterin, Professor Öpflingen Leiterin im Nationalforschungsprogramm. Nationalforschungsprogramm. Für 10 Jahre. Während 10. Ja. Et c'était l'évidence pour la politique. Und das war die Evidenz, die die Politik nachher benutzt hat. Oui, voilà. Donc toute ma vie, j'ai fait ça. Finalement. Ich habe das eigentlich mein ganzes Leben gemacht. Okay, so. ce que je vais faire aujourd'hui. Über was ich heute reden möchte. C'est le bilan de 3 ans. Ist die Bilanz über 3 Jahre. De la science. Der Wissenschaft. De l'évidence de ce qui s'est passé. Der Evidenz, also der Fakten von dem, was passiert ist. Oui, pour que vous compreniez toute la fraude. Damit Sie auch verstehen, wie wir hintergangen wurden. Et ce qu'on sait et ce qu'on sait pas. Und was man jetzt weiß und nicht weiß. C'est comme un... C'est comme une investigation criminelle. Es ist wie ein bisschen ein Krimi, eine Investigation. Et on n'est pas fini d'investiguer parce que il y a beaucoup de doutes encore. und wir haben nicht fertig recherchiert, weil es noch viele Zweifel gibt. Oui. Et des même contradictions entre les scientifiques. Und auch gegensätzliche Aussagen zwischen Wissenschaftlern. Voilà. Mais ce que je vais dire en tout cas pour commencer, c'est que c'est mondial et que c'est top-down. Auf jeden Fall, was ich am Anfang sagen möchte, ist, dass es weltweit geschieht und es geschieht von oben nach unten. Et on doit revenir au local. Und wir müssen zurück zu etwas Lokalem kommen. Comme ça a été dit par Massenfall, wie auch vorhin gesagt wurde von den anderen Rednern. Et que la souveraineté que vous avez est menacée terriblement aujourd'hui. Vous n'êtes plus souverain. Und die Souveränität, die sie aktuell noch haben, ist sehr in Gefahr, dass sie verlieren. Par la Constitution, suisse est en tyrannie, a été hijacked. Il y a un coup d'État sur notre Constitution suisse. Die Verfassung ist bedroht. Es gibt da eine Gefahr eines Staatsstreiches gegen die Verfassung. Oui, elle ne fonctionne plus. Sie funktioniert nicht mehr. Et les votes ne fonctionnent plus. Und auch die Abstimmungen funktionieren nicht mehr. Et pourquoi? Warum? Parce que la porte d'entrée de cette dictature mondiale, c'est l'OMS. Weil die Tür zu dieser weltweiten Diktatur eben die WHO ist. Mais l'OMS ouvre le champ sur toutes les organisations internationales. Die WHO ist die Tür zu allen internationalen Organisationen. Parce que la santé, c'est dans toutes les politiques. Weil die Gesundheit ist in jeder Politik vorhanden. Du travail à l'agriculture. Sei es auf der Arbeit oder in der Landwirtschaft. Aux réfugiés. La santé, health in all policy, c'est ce que l'OMS, et j'étais faisais partie du groupe d'experts, de health in all policy. Also Gesundheit in allen Belangen, das ist ein Motto der WHO. Et c'est pour ça, aujourd'hui, moi j'étais idéaliste, mais aujourd'hui je vois que c'est toutes les valeurs sont renversées pour détruire nos valeurs. Ich war früher ein Idealist, aber jetzt sehe ich, dass alle unsere Werte umgekehrt werden in etwas Schlechtes. Et pour détruire l'humanité gravement. Und sie wollen wirklich die Menschheit zerstören. Alors, j'ai un PowerPoint. Ich habe hier ein paar Folien. Et c'est pour vous aider à comprendre un peu, mais je ne vais pas passer beaucoup de temps sur tout, mais c'est bien pour que vous puissiez voir un graphique que je vais expliquer. Voilà. Also, es soll euch beim Verständnis helfen, aber ich werde nicht alles erklären. Es soll euch einfach unterstützen. Voilà, donc on va commencer avec une phrase de Joseph Borrell. Wir beginnen mit einem Zitat von Joseph Borrell, qui est le vice-président de la Commission européenne. Er ist der Vizepräsident der Europäischen Kommission. Et qui était avant ministre espagnol des Affaires étrangères. Und er war spanischer Außenminister vorher und der EU. Oui, donc, voilà. Et il a dit que le Covid-19, er hat gesagt, dass Covid-19 va redessiner le monde. Die Welt neu zeichnen wird. On ne sait pas quand la crise sera finie. Wir wissen nicht, wann die Krise fertig sein wird. Mais il a affirmé que, aber er hat behauptet, il a affirmé que par le temps quand ce sera terminé, le monde aura complètement changé. Dass wenn es dann beendet sein wird, wird die Welt komplett verändert sein. Donc le bilan, c'est que l'Union européenne a un grand pouvoir aussi dans toute cette affaire. Was ich damit sagen will, ist, dass die EU auch eine sehr große Machtstellung hat in dieser Sache. Et que on va regarder ensemble le timeline de cette affaire. Ce qu'il faut dire là, la première chose, c'est Covid-19. Wir schauen nachher zusammen an, was die verschiedenen Schritte sind in der Zeit. Was ich auf jeden Fall noch sagen will, ist, dass Covid-19. On parle encore aujourd'hui du Covid-19 comme s'il existe encore. Wir reden heute noch von Covid-19, wie wenn das Virus noch existieren würde. Et c'est pas possible. Und das geht einfach nicht. Le coronavirus est un common flu. Coronavirus ist eine gängige Grippe. Et elle disparaît après 3 mois, 5 mois. Eine Grippe, die nach etwa 3-4 Monaten wieder verschwindet. Vous pouvez voir dans les livres de manuels de médecine. Sie können das in Medizinhandbüchern nachlesen. Donc c'est pas possible de parler aujourd'hui du Covid-19. Es geht also nicht heute noch von Covid-19 zu sprechen. Alors je vais vous montrer justement pourquoi ça se passe et comment on peut analyser ça. Ich zeige euch, wie das passiert und wie wir das analysieren können. Je fais en général un timeline, une analyse dans le temps. Ich werde euch zeigen, wie das in der Zeitabfolge passiert. Et je vais d'abord aller voilà, tout de suite là. Voilà. Ça c'est le timeline. Das ist der Zeitstrahl. Et voyez que là, ça c'est je vais là. Ça c'est 2020-2021. 2020, 2021. Et là, 2022-2023 et plus tard. 2022 und dann 2023 und später. Donc j'ai fait l'analyse de la cohérence de ce qui s'est passé. Ich habe untersucht, wie die Kohärenz ist von dem, was passiert ist. Parce que l'OMS produit, parce qu'ils disent, parce que c'est l'OMS qui fait une dictature mondiale sur les peuples du monde entier. Weil es ist die WHO, die eine Diktatur weltweit über die Völker ergehen lässt. Und ich habe untersucht, was sie sagen und was sie publizieren. Oui, les textes sont complètement contradictoires avec tout ce qu'on a vécu depuis 30 ans que je travaille avec l'OMS ou en collaboration. Die Texte, die sie publizieren, sind völlig im Gegensatz zu dem, was wir vorher 30 Jahre lang gesehen haben. Et Tedros Ghebreyesus, le directeur général, der Generalsekretär der WHO, ouais, est le premier directeur général qui n'est pas médecin. Ist der erste in dieser Funktion, der nicht Arzt ist. C'est le premier aussi qui était sur le board de Gavi, de Bill Gates, de Global Alliance for Vaccine Immunization. Der erste auch, der Teil des Verwaltungsrates von Gavi war. Mm-hmm. Und Gavi ist die Impfallianz von Bill Gates. Et il a été réélu en mai 2022, réélu comme directeur général pour 5 ans. Er wurde in diese Funktion wiedergewählt als Generalsekretär mm-hmm. im Mai 2022. Et c'est des amis à l'intérieur de l'OMS qui étaient là qui m'ont dit que c'est contre son pays. Son pays n'était pas d'accord pour sa réélection. Und Freunde von mir, die in der WHO sind, haben mir erzählt, dass das gegen den Willen seines eigenen Staates Äthiopien mm-hmm. Gewesen ist. Il voulait pas Tedros. Diese wollten den Tedros Ghebreyesus nicht. Et dans l'ONU, les Nations Unies, c'est les États membres qui créent l'ONU. C'est une démocratie normalement. Und in der UNO sind es eigentlich die Mitgliedstaaten, die die UNO sind. Das ist eigentlich eine Demokratie. L'OMS ne peut pas diriger les pays. Elle ne peut que coordonner. C'est dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution. Auch die WHO kann die Länder nicht steuern. Das ist so in der Verfassung drin geschrieben. Préambule. Ouais. In der Präambel der Verfassung drin. C'est ça le... Voilà. Donc, quand vous savez ça, vous voyez ce qui se passe. C'est que l'OMS a déclaré une pandémie. Also, wir wissen das. Und jetzt sehen wir, die WHO hat eine Pandemie ausgerufen. Mais elle l'a dit d'une façon qui est complètement contradictoire avec tout ce qu'on a enseigné avec l'OMS pendant 3 ans. Und das ist völlig im Gegensatz, also sie hat es so gesagt, dass es völlig im Gegensatz zu dem ist, was wir 3 Jahre lang unterrichtet haben bei der WHO. So, premièrement, la phase 1, c'est la création de la peur. In der ersten Phase wurde die Angst erschaffen. Ja. La peur dans un virus qu'on ne voit pas. On peut pas le voir. Die Angst um ein Virus, den man nicht sieht. Donc la peur est arrivée tout de suite avec Covid-19. Die Angst kam sofort mit Covid-19. Et ça, c'est inadmissible. Und das ist unzulässig. Parce que dans le règlement sanitaire international, weil in den internationalen Gesundheitsvorschriften, oui, qui est un règlement obligatoire pour les pays de un accord obligatoire. Das ist ein Abkommen, das sind Vorschriften, die zwingend sind für die Staaten. On peut pas déclarer une pandémie après un mois, on doit faire étape par étape chaque pays. Also dieses Abkommen sagt, dass man nicht nach einem Monat schon eine Pandemie ausrufen kann. Das geht Schritt für Schritt. Oui, pays par pays. Und Land für Land. Un virus peut pas arriver et tout le monde entier lockdown. Man kann nicht sagen, das Virus kommt und ist dann sofort, betrifft dann sofort alle. Et ils ont fait ça parce qu'ils ont créé un virus qui fait peur et qui est mortel, et avec des photos et des textes qui sont pas éthiques. Ja, das ist nicht ethisch. Sie haben mittels Fotos und Texten so einen tödlichen, gefährliches Virus erschaffen und sie haben das, also die WHO hat das genau gemacht, obwohl man das eigentlich nicht darf. C'est une infodémique, C'est pas une pandémie, c'est une information fausse répétée. Ah, es ist nicht eine Pandemie, es ist eine Informationspandemie. Et c'est contraire. Nous, on a enseigné l'éthique de la communication. Je vais vous montrer. Und wir haben die Ethik unterrichtet in der Kommunikation. Ça, c'est impossible de communiquer ça. Il faut jamais communiquer. Ça, c'est l'exemple qu'on a pris dans les cours au pays pour dire non. On dit pas you're all going to die. C'est pas possible de dire ça. Man darf zum Beispiel nicht sagen, wir werden alle sterben. Also das ist eigentlich ein Gegenbeispiel, wie wir den Staaten das erklärt haben, dass man das nicht machen sollte mit der Angst. Et on, ça, c'est une slide du cours qu'on a donné aux pays de l'OMS, des pays dans le monde, au centre d'épidémiologie et tout le monde. C'est une des slides. Im Zentrum für Epidemiologie und gegenüber auch den Staaten, die Mitgliedstaaten sind bei der WHO, war das zum Beispiel eine Folie, die wir Ihnen gezeigt haben, um Ihnen das zu schulen. Parce que vous imaginez, si on crée la peur, les personnes agissent de façon irrationnelle. Weil stellen Sie sich vor, wenn man Angst schafft, dann verhalten sich die Leute irrational. Et l'immunité baisse. Und die allgemeine Immunität sinkt. Et ça crée un traumatisme post-traumatique, comme une situation traumatique, où on dissocie la logique, on n'arrive plus à avoir une logique. Und das schafft ein Trauma, sodass man die Logik dann ist dann getrennt vom Verhalten. Oui, et ce que ça fait, c'est qu'après chaque fois qu'on dit Covid, ça fait peur. C'est trigger, ça fait un input-output. Und Covid ist jetzt wirklich so ein Stichwort geworden, dass, und man sieht, dass wir alle darauf reagieren sollen, dass wir Angst haben. Oui, voilà. Pour le graphique, c'est pour faire la peur perpétuelle, toujours, toujours peur. Also das Ziel ist diese ständige Angst. Et pourtant, dans le cours, la communication du règlement sanitaire international, c'était transparency, la transparence, et de dire les premiers risques et de dire on ne sait pas, on cherche. Also eigentlich sagt man, wir sind am Suchen, wir wissen nicht genau, wie es ist. Und ein erster Punkt in diesem Kurs, den wir unterrichtet haben, ist, dass man eben die Transparenz fördert. Et on dit, on ne sait pas, mais on cherche. Also wir sagen ganz ehrlich, wir wissen es nicht, aber wir sind am Suchen. Comme l'Institut COR a fait quand il y a eu le concombre qui était contaminé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als diese vergiftete Gurke war, hat das Robert Koch Institut das auch so gemacht. Elle a dit, on ne sait pas, c'est le concombre. Ils ont arrêté la production des concombres en Espagne. Tous les agriculteurs ont fait des pertes financières. Sie haben die Produktion in Spanien gestoppt. Die Landwirte haben auch große Verluste gehabt. Oui, et après ils ont dit ah, on s'est trompé. Dann haben sie gesagt, ah, wir haben uns getäuscht. On a cherché et c'était des graines de fenugrec qui venaient d'Égypte qui était le contaminant de cette maladie qui avait tué quelques personnes. Und dann haben sie herausgefunden, dass diese Krankheit, die ein paar Personen getötet hat, eigentlich aus Samen von Boxhornklee aus Ägypten kam. Donc la causalité, la cause des causes, elle prend beaucoup de temps à chercher et on doit communiquer en écoutant les gens, qu'est-ce qu'ils disent, aller voir sur le terrain. Also man muss den Leuten wirklich zuhören, auch das ist der Punkt 4, weil diese Recherche nach der Kausalität, also der Zusammenhang von Ursache und Wirkung, das braucht viel Zeit. Et des investigations scientifiques de plusieurs natures, de plusieurs disciplines, pas seulement un virus. Und man muss wirklich verschiedene Sachen untersuchen, wissenschaftlich untersuchen, nicht nur, ob es jetzt ein Virus ist. Donc c'est très important de comprendre que l'information dans ce cas a été cruciale et que c'est McKinsey qui a organisé ça. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass die Information ein Schlüsselelement war in diesem Geschehen und dass auch McKinsey, ein Strategie- und Beratungsunternehmen, das weltweit tätig ist, Teil dieser Geschichte war. Ça, je dois dire un peu mieux. Ses amis qui sont à l'OMS, meine Freunde bei der WHO, ont des preuves, mais qui peuvent pas divulguer, haben Beweise, die sie aber nicht publizieren dürfen, que McKinsey est payé des millions pour faire toute la stratégie de l'OMS et les réunions, les procès-verbaux, toute la communication. Dass McKinsey, also dieses Unternehmen, Millionen Dollar wahrscheinlich gezahlt, ja, von viele, der WHO gezahlt wird, um die ganze Kommunikation, die ganzen Sitzungen der WHO zu vorzubereiten, zu gestalten. Le management de l'information et la communication et de la stratégie. Also sie managen die Information, die Kommunikation und die Strategie der WHO. Donc vous comprenez que tous les pays du monde font la même chose. Verstehen Sie, dass dann alle Länder der ganzen Welt das Gleiche machen? Et le fils de Fabius et le fils de van der Leyen sont à la tête de McKinsey pour leur pays. Die Söhne von Fabius und von van der Leyen sind auch dort ganz oben drin bei McKinsey. Voilà. Donc après, alors voilà, ça c'est donc. On a créé le virus qui n'a jamais été analysé comme il faut. Man hat also dieses Virus geschaffen, das nie richtig untersucht wurde. Pourquoi? Parce qu'on doit d'abord prendre le cas zéro. Warum? Weil man zuerst einen Nullfall, Nullcase machen muss. Ça veut dire la première fois qu'on a entendu, qu'on a pu voir un symptôme et une mort suspecte. C'était où? Das heißt, man muss sehen, wo ist zum ersten Mal dieses Symptom oder diese Symptome, sind die aufgetaucht und gab es nachher einen Toten? Oui, sérieux, quelque chose de très sérieux. Also etwas wirklich Ernstes. Il y avait rien de sérieux, on ne sait pas quand il est sorti. Peut-être c'est le laboratoire, mais c'est en fait dans les Jeux Olympiques de l'armée militaire en octobre 2020, il y avait déjà des cas de Covid, voilà. Also vielleicht ist es aus dem Labor rausgekommen, aber man weiß, dass bei den Olympischen Spielen des Militärs in China das Virus bereits dort war. Et peut-être avant. Vielleicht war es auch vorher, ist also nicht so ganz seriös. Ça, l'investigation criminelle, il manque quelque chose. Also es fehlt etwas in dieser Investigation. Le deuxième, c'est le postulat de Koch. Das zweite ist das Koch-Postulat. Okay. Isoler le virus, le purifier. Man muss das Virus isolieren, dann reinigen. Et le plus important, c'est la causalité. Créer la causalité, ça veut dire prendre, si on a le virus, et le remettre dans l'animal, plusieurs animaux, plusieurs personnes, et voir si c'est les mêmes effets. Und das Wichtigste ist, die Kausalität zu untersuchen, also den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Und das macht man so, indem man das Virus in Tiere injiziert und schaut, ob jeweils das gleiche Symptom rauskommt oder auch in Menschen und auch wieder schaut, ob das gleiche Symptom rauskommt. Le coronavirus mute tout le temps. Aber das Coronavirus ist ständig am Mutieren. Donc il faut refaire le postulat de Koch dans tous les pays. Das heißt, man muss das Koch-Postulat in jedem Land neu machen. Et valider au niveau international. Ça n'a jamais été fait. Und das muss man auch international validieren. Das wurde auch nicht gemacht. Et le dernier, c'est la transmission. Und der letzte Punkt ist die Übertragung. Et ça n'a pas été analysé. Ils ont dit, même si vous êtes pas malade, vous êtes contagieux. Das wurde nicht untersucht. Sie haben einfach gesagt, selbst wenn Sie nicht krank sind, können Sie das Virus übertragen. C'est impossible. Und das geht nicht. Sinon, on crée la peur. Vous êtes tous malades, mais vous savez pas. Man schafft nur Angst. Ihr seid einfach alle krank, aber ihr wisst es nicht. Ja, mit großem Virus. Mit einem großen Virus. Donc, vous voyez que l'opération psychologique était très importante. En plus, après, ce qu'ils ont encore fait, c'est qu'ils ont pris un test, une technologie. Sie haben prouvé que ce virus existait. Also Sie sehen, dieses psychologische Vorgehen ist sehr stark und sie haben nachher einen Test genommen. PCR. Den PCR-Test. Und dann après des autres. Und anschließend noch andere. Mm-hmm. Pour prouver que ce virus existe en permanence, encore aujourd'hui. Und das haben sie genommen, um zu beweisen, dass das Virus ständig existiert. Mm-hmm. Covid-19. Covid-19. Bis jusqu'à 2030. Bis 2030. Oui, et ce qui est intéressant pour ceux qui sont dans la technologie, c'est que non seulement c'est impossible, puisqu'il y a plusieurs textes, CDC, il y a plusieurs textes qui montrent qu'on ne peut pas trouver un virus si on ne sait pas ce qu'on cherche, et c'est impossible d'utiliser ce test pour faire des diagnostics. Voilà. Also es gibt verschiedene Texte, die beweisen, dass man nicht etwas finden kann, dass man nicht... Keine Bakterie, c'est une soupe et on ne peut pas trouver exactement ce que c'est. Es ist wie eine Suppe und man kann nicht genau finden, was da drin ist. PCR, c'est pour la recherche, quand on sait ce qu'on cherche. Der PCR-Test ist nur für die Forschung, wenn man weiß, was man sucht. Wenn man nicht weiß, was man sucht, kann man den in dem Fall nicht benutzen. Et discuter avec les laboratoires, un PCR, il doit être validé tout le temps et recalibré dans tous les laboratoires. Und wenn Sie mal mit Leuten aus Laboratorien reden, dann wissen Sie, dass der PCR-Test immer wieder justiert werden muss. Mm-hmm. Dans tous les laboratoires. In jedem Labor musste wieder justiert werden. Et là, on reçoit des PCR de Chine, en Chine. Und da, jetzt kriegen wir PCR-Tests aus China. Et la procédure est impossible. On ne sait pas d'où vient ce kit, jamais validé, pas d'hygiène. On le met dans le nez. C'est impossible. Ce n'est pas une procédure médicale. Das ist kein medizinisches Vorgehen, dass wir diesen PCR-Test kit. Nehmen, der gar nicht... validiert ist. Es ist ein Kit, es ist wie ein kleines Kit, das sie kaufen. Ça remplace le médecin, tu vois. Es tut richtig den Arzt ersetzen und dass wir das nachher in die Nase stecken, obwohl es gar keine Hygiene, Vorschriften gibt, das geht auch nicht. Et le petit coucou là-dedans, c'est que pour vacciner les animaux, on utilise la même procédure. Um die Tiere zu impfen, benutzt man das gleiche Protokoll, das gleiche Vorgehen. Urs, qui peut vous dire. Urs kann das Ihnen erklären. Et les autres. Voilà. Donc, c'est important, quand vous allez dans les détails, et il y a encore beaucoup d'autres détails, mais ça, c'est vraiment important. Parce qu'un médecin ne peut pas être remplacé par une technologie et une procédure tout à coup dans le monde entier. Ja, man muss wirklich diese Details anschauen und es ist unmöglich, dass ein Arzt durch so eine Technologie und so eine Prozedur einfach ersetzt wird. Et donc, non seulement ils ont implanté la peur avec une petite technologie qui coûte de l'argent aux gens et qui marche pas. Also nicht nur haben sie die Angst geschaffen durch diese PCR-Technologie und die uns auch was kostet. Mais ils ont fait le test sur des gens morts et les gens morts sont tous morts du Covid. Man hat auch schon gestorbene Leute getestet und ja, zufälligerweise sind die auch alle mit Covid gestorben. Ça, sans autopsie. Und das ohne Autopsien zu machen. Et donc dans une scène de crime, quand vous regardez CSI, vous pouvez voir dans les scènes de crime, l'autopsie est le numéro 1 d'une preuve. Wenn Sie schon einen Krimi gesehen haben mit so einer CSI, toutes les séries américaines. All diese Serien, die es gibt, dann wissen Sie, dass die Autopsie immer der erste Schritt ist. Pour la preuve de la cause. Um nach der Ursache des Todes zu suchen. Et les gens, ce qu'ils trouvent aujourd'hui dans les autopsies, n'est pas du tout un virus ou une infection. Und was Forscher heute in Autopsien finden, ist überhaupt nicht ein Virus. Mm-hmm. C'était donc interdit par l'OMS, non recommandé par l'OMS et interdit dans les hôpitaux de faire des autopsies. Die WHO hat das nicht empfohlen und es war verboten, in Spitälern Autopsien zu machen. Et les autopsies qui sont arrivées l'année dernière, beaucoup d'autopsies en Angleterre, aux États-Unis. Und die Autopsien, die letztes Jahr gemacht wurden, es gab viele in England oder auch in Amerika. Ont trouvé des fils très longs, très durs, comme du caoutchouc. Dans les veines des gens qui sont décédés. Die haben ganz lange Fäden gefunden, wie Gummi in den Adern der Gestorbenen. Donc, qui a analysé ça et qui utilise ça comme preuve que ce n'est pas possible d'accuser le même virus d'avoir du caoutchouc dans les veines? Il y a un problème. Es gibt ein Problem. Wer benutzt diese Fakten und Beweise, um zu zeigen, dass das nichts mit dem Virus zu tun hat? Donc, on a créé la peur, on a fraudé l'évidence. Man hat die Angst erschaffen und man hat die Evidenz verdeckt oder man oui, hat eine Lüge geschaffen. Voilà, voilà. Et on a fait de la terreur des médiatiques. On a fait de la terreur médiatique. Man hat Medienterror gemacht. Mais pourquoi ils ont fait ça? Warum haben sie das gemacht? Mais parce qu'en 2021, ouais, ils voulaient, c'était la, c'était l'implantation du vaccin. Experimental. Weil 2021 wurde dann das experimentelle Impfen gestartet. Voilà. Donc ça était préparé pour créer clairement l'injection et que les gens sont tout de suite d'accord pour venir prendre une injection ou la forcer. Der erste Schritt war also direkt im Zusammenhang mit dem nächsten, dass die Menschen sofort bereit sind, sich impfen zu lassen. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que pour valider, parce qu'ils mentent tellement bien, sie lügen so gut, avec McKinsey, dank McKinsey, und darum verstehen viele nicht, que cette, la validation d'un vaccin expérimental, c'est une étude clinique. Dass die Validierung eines experimentellen Impfstoffes eine klinische Studie ist. C'est pas une étude dans le monde entier. Das ist nicht eine Studie in der ganzen Welt. Ça, c'est pas de la science, du tout. Das ist nicht wissenschaftlich. Normalement, c'est 80 personnes. Normalerweise sind das so 80 Personen. Trois, quatre endroits avec des universités. Vielleicht an drei, vier Orten mit drei, vier Universitäten. Et s'il y a des effets secondaires ou des morts, on arrête tout de suite. Und wenn es Nebenwirkungen gibt oder Tote, hört man sofort auf. Et on paye pour les dégâts. Und man zahlt auch die Schäden. Ça, c'est l'éthique. Das wäre ethisch. Et on déclare qu'est-ce qu'il y a dans les fioles de vaccins. Und man tut auch öffentlich, also man publiziert auch, was in diesen Impfungen drin ist. Ils ont pas publié. Das haben sie nicht gemacht. Et on sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Wir enfin, wissen nicht, was officiellement. Also offiziell wissen wir nicht, was in den Impfstoffen drin ist. Et les fioles avaient déjà été fabriquées en Allemagne, les verres. Pour le... Déjà, des millions avaient été fabriqués en Allemagne en 2019. 2019 waren schon Millionen solche Behälter, solche Glasbehälter für die Impfstoffe in Deutschland hergestellt worden. Je me rappelle plus le nom de la compagnie, mais ich weiß nicht mehr, welches Unternehmen das gemacht hatte. Donc, cette expérimentation est pas valable, elle est frauduleuse et elle est criminelle. On ne fait pas une expérimentation sur le monde entier. Et tout le monde. Also dieses Vorgehen, diese Art von Experiment ist inakzeptabel, unethisch und kriminell. C'est injustifié complètement en termes de science et de recherche éthique. Von der Wissenschaft her und von der Ethik her ist das völlig unzulässig. À l'OMS, on analysait plusieurs recherches internationales pour voir si l'OMS était d'accord. Wir haben verschiedene Studien, internationale Studien untersucht, um zu sehen, ob die WHO einverstanden ist mit deren Verfahren. Quand j'étais dans le comité d'éthique. Als ich damals im Ethikkomitee war. Et il y a des papiers au moins 20 pages à remplir. Und es gibt da mindestens 20 Seiten auszufüllen. Et on doit absolument être sûr que la compagnie ne dirige pas la recherche. Und man muss absolut sicher sein, dass das Unternehmen die Recherche nicht führt oder beeinflusst. Et que elle, s'il y a des effets secondaires, on paye tout. Und dass, falls es Nebenwirkungen gibt, man alles zahlt an on, Schäden. On déclare. Man tut sie auch melden. On doit montrer toujours dans la recherche, je suis dans beaucoup de comités de recherche, on doit toujours montrer la déclaration du consentement éclairée. Man muss auch in der Recherche immer beweisen können, dass die Menschen mit Kenntnis zugestimmt haben. Mm-hmm. très important, Signature, Kopie, à tout le monde. Das ist sehr wichtig, das ist etwas, was jeder unterschreiben muss. Und es gibt eine Kopie, die weitergereicht wird. C'est la preuve de la liberté de participer ou pas à une recherche. Das ist der Beweis, dass jeder freiwillig teilnimmt an dieser Recherche. Et là, ils ont forcé le consentement chez tout, dans le travail, pour le voyage. Tout ça, c'est complètement contradictoire avec l'OMS avant Tedros. Und dieses Vorgehen der WHO unter Tedros Ghebreyesus ist völlig im Gegensatz dazu. Die Menschen wurden richtig genötigt, sei es über die Arbeit oder weil sie reisen wollten, dem zuzustimmen. Et un autre point qui est très important qu'on mentionne pas beaucoup, c'est que les données médicales sont privées. Elles sont protégées. Protégées, c'est la confidentialité. Ein wichtiger Punkt, der auch wenig genannt wird, ist, dass die medizinischen Daten privat sind. Also sie sind geschützt. Personne devrait savoir qui est vacciné ou pas. C'est privé. Niemand sollte wissen, wer geimpft ist und wer nicht. Ouais, ou qui est malade. Oder wer krank ist. Das ist privat. C'est très important. Et dans la recherche, les données sont privées. Et dans ce cas-là, même le restaurant pouvait voir qui était votre médecin. Dans le pass vaccinal, j'ai vu, il pouvait montrer qui était le médecin, combien vous avez eu de vaccins, etc. C'est inadmissible. Also in der Recherche sind diese Daten normalerweise privat, aber in dem Fall von Covid-19 konnte sogar das Restaurant mittels des Impfpasses rausfinden, wer der Arzt war, der die Person geimpft hat, zum Beispiel. D'ailleurs, si vous voulez voyager et vous faites une exemption de vaccin, wenn Sie reisen wollen und sich nicht impfen lassen wollen, exemption, also eine Ausnahme. Ausnahme, ici, hein, Ausnahme. Voilà, oui. Si vous voulez faire, votre médecin dit que vous ne pouvez pas prendre le vaccin parce que vous pouvez mourir par la procédure. Il y a plusieurs qui circulent. Es gibt verschiedene Gründe, warum der Arzt nachher sagen kann, Sie können nicht geimpft werden, weil Sie zum Beispiel daran sterben würden oder sonst oder Allergie oder eine Allergie, Hämatologie, il y a des problèmes de génétique de plusieurs oder ihre Genetik, mit ihrer Genetik passt es nicht. Et c'est confidentiel. C'est pas la compagnie d'aviation qui vous dit ah, vous pouvez pas prendre l'avion parce que vous êtes c'est aberrant. Ja, und das ist eigentlich privat. Da kann nicht das Flugunternehmen nachher sagen, oh, sie sind nicht geimpft oder ja. So. Das passt nicht. Voilà. Donc il y a eu une confusion complète sur l'importance de l'éthique et du droit de la personne. Qui a été bafoué dans la phase de propagande vaccinale. Also diese ganze Ethik und diese Verfahren wurden richtig mit Füßen getreten in dieser Geschichte. Et l'OMS n'a jamais fait de promotion de vaccin avant que Bill Gates arrive. Bevor Bill Gates Hauptsponsor wurde, hat die WHO nie Werbung für Impfungen gemacht. Donc voilà, ça c'était vraiment la phase 1. Das war die erste Phase. Et elle continue. Und die geht weiter. C'est un cycle comme ça, c'est un cycle. On fait peur, Omicron, 1, 2, 3, 4, 5, Vaccin, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, man macht Angst und nachher gibt es die Impfung dazu. Ja, direkt. Sofort. Pas de validation. Même plus. Ohne, dass es eine Validierung gibt. Voilà, donc tout ça, c'est pour continuer la peur, pour que les gens obéissent. Und man schürt weiterhin die Angst, damit die Leute folgen. C'est très important parce que cette peur fait qu'on oublie la Constitution, on oublie notre souveraineté. Das ist sehr wichtig, weil diese Angst führt dazu, dass man die Verfassung vergisst, man vergisst die eigene Souveränität. Et ce qui est en train d'arriver, c'est grâce à ce cycle de terreur, la phase 2 sur le total contrôle du monde est en train d'arriver. Und was diesem Angstzyklus folgt, ist die zweite Phase mit der Totalkontrolle über die Welt. Et pourquoi je peux parler de ça, c'est que j'ai trouvé, il y a deux textes très importants de l'OMS. Es gibt zwei Dokumente, zwei Texte der WHO, die sehr wichtig sind. Qui ont été publiés en l'été 2021. Die im Sommer 2021 veröffentlicht wurden. Et je vais vous montrer tout de suite. Tac. Voilà. Eh ben, ils ont publié l'édition du génome. Sie haben Genome Editing. Ein Dokument publiziert über die Veränderung des Erbgutes. C'est Genome Editing, ça c'est l'édition du génome, pour les pays, pour les chercheurs, pour tous les gens qui sont sous l'OMS, les États membres. Das war für alle Menschen, die unter der WHO sind, für die Länder, aber auch für die Forscher. Et puis, de l'autre côté, ils ont publié un autre document qui est la digitalisation de la santé et du système de santé. Und das zweite Dokument, das sie publiziert haben, handelt um die Digitalisierung der Gesundheit und des Gesundheitssystems. Cette digitalisation, elle a commencé déjà il y a 5-10 ans. Yeah, à l'OMS. Diese Digitalisierung hat bei der WHO schon vor 5 oder 10 Jahren begonnen. Ouais, j'étais dans l'équipe qui a travaillé sur un document qui s'appelle Innovation 8. Ich war in einer Gruppe, die einen Text bearbeitet hat, yeah. Ein Dokument zu... Ein Handbuch, en fait. Ein Handbuch. Ein Training Manual, où j'étais contractée pour aider, et qui essaye de dire aux politiques comment digitaliser leur pays. Und da drin geht es darum, den Politikern zu erklären, wie sie ihr Land digitalisieren. Mm-hmm. Et l'innovation technologique, la prendre dans le système de santé. Und wie sie die Innovationstechnologie in das Gesundheitswesen einbringen. Donc, pourquoi c'est important dans cette phase 2 du contrôle total sur l'humanité? Warum ist es wichtig in dieser zweiten Phase der Totalkontrolle über der Menschheit? Ben, vous comprenez vous-même, vous avez tous un téléphone. Sie verstehen es selber, Sie haben sicher alle ein Handy. Vous avez tous beaucoup dans un ordinateur. Viele von euch haben einen Computer. Maintenant, de plus en plus, tout ce que vous achetez, il y a un tag, Internet of Things. On sait ce que vous avez acheté. Mehr und mehr sind auch die Dinge, die sie kaufen, getaggt. Wir haben das Internet der Dinge. Ja. Ensuite, quand avec le vieillissement, vous avez des prothèses, des pacemakers, même des chips. Wenn sie älter werden, haben sie vielleicht auch Herzschrittmacher oder Prothesen. Ja. Et donc, on peut, ça s'appelle Internet of Bodies. Das heißt Internet des Körpers. Ja. Donc l'intelligence artificielle qui arrive et qui est déjà là peut comprendre qu'est-ce que vous faites tous les jours et comment vous êtes avec vos objets, si vous ne faites pas attention, hein, vos objets avec votre téléphone, mais aussi ce que vous avez dans votre corps. C'est ce qu'ils veulent, en fait. Und was sie möchten, ist, dass mittels der künstlichen Intelligenz alles nachvollzogen werden kann. Was sie tun, mit was, sie haben ihre Objekte, sie haben die Sachen vielleicht im Körper drin, sogar verchippt vielleicht. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va du système de santé jusqu'à votre génétique. Und das Interessante ist, es geht vom Gesundheitssystem bis runter zu ihrer Genetik. Parce que le système de santé, il est déjà maintenant géré avec de l'intelligence artificielle, par les médecins d'ailleurs. Weil das Gesundheitssystem ist jetzt schon mittels künstlicher Intelligenz gemanagt, also verwaltet. Also die Ärzte zum Beispiel benutzen das. Radiologie, en radiologie. Pour analyser les. Im Röntgenverfahren. Radiologie, puis d'autres en chirurgie, en médecine, en robotique. Also Röntgenbilder zu untersuchen, aber auch. Mais aussi dans les maisons. Les personnes âgées, moi j'étais dans des projets, évaluation de projets, des programmes d'ordinateurs ou de robots à la maison pour des personnes âgées. Also es wird schon benutzt in der Chirurgie, aber auch bei älteren Menschen, die bei sich Roboter haben, sie Therapie, zu pflegen zu Hause, oder Therapien zu machen. Pflege. Donc c'est eux, ceux qui veulent imposer ça ont des idées incroyables de gestion des humains comme des fourmis avec l'Internet et l'intelligence artificielle. Ça, c'est sûr. Mit dem Internet der Dinge und der künstlichen Intelligenz haben die Menschen, die sich das ausgedacht haben, wirklich wahnsinnige Ideen, wie sie alle Menschen steuern wollen und kontrollieren. Et d'ailleurs, je suis aussi à Vienne, dans un groupe sur Smart Cities. Ich bin auch in Wien in einer Gruppe zum Thema intelligente Städte. Smart City, smart, la voiture auto-guidée, tout ça. Mit dem selbstfahrenden Auto und so weiter. Ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin maintenant. Das geht viel zu weit. Il n'y a pas de législation sur l'intelligence artificielle. Es gibt keine Gesetze zum Thema künstlicher Intelligenz. Maurer a dit non, on ne va pas faire de législation, c'est mauvais pour le business. Maurer hat gesagt, nein, wir machen keine Gesetze, das ist schlecht für Business. Die Wirtschaft. Ah, c'est richtig, hein, vraiment. Alors, ça c'est digitalisation, smart city, j'ai encore une phrase, mais ça, ce que vous pouvez comprendre, c'est que pourquoi ils vaccinent les enfants, ils veulent vacciner, parce qu'on a trouvé dans les fioles de la nanotechnologie. Warum wollen sie vor allem die Kinder auch impfen? Man hat in den Impfstoffen auch Nanotechnologie gefunden. Et il n'y a que les experts de nanotechnologie qui peuvent vraiment analyser ça, pas les médecins. Désolé. Die Ärzte können so etwas nicht untersuchen, das können nur Experten zum Thema Nanotechnologie machen. Donc, même des pathologues, pas Burkhardt a confirmé, il y a des pathologues qui disent que c'est impossible, qu'il n'y a pas de nanotech, mais par contre, le professeur Burkhardt et Lange, ils ont établi ça en septembre 2021. Professoren Burkhardt und Lange haben im September 2021 das untersucht und festgestellt, dass es Nanotechnologien im Impfstoff drin gibt. Und du Metall, Chrom, Nickel. Und Chromium, Nickel, verschiedene Metalle. Oxid, Graphen. Graphenoxid. Et des transistors, un peu de nanotech, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils disent qu'il faut trouver des experts pour faire plus. Sie haben auch Transistoren gefunden, aber sie können nicht weiter dazu sich äußern. Sie sagen, das müssen Experten dann weiter untersuchen. Donc vous comprenez que quand les débats, même entre experts, on doit être très ouvert dans une investigation criminelle. On doit vraiment avoir plusieurs disciplines. Verstehen Sie, dass in einer Debatte, wo so eine investigative Forschung betrieben wird, muss jeder auch wirklich sehr offen sein und man muss von verschiedenen Fachgebieten auch die Leute dabei haben. Parce que ceux qui ont imposé ça, eux, ils ont des experts en nanoparticules. Weil die das durchgesetzt haben, die haben Experten zum Thema Nanotechnologie. Et je profite de dire qu'ils ont remplacé à l'OMS toute l'équipe de science. Und ich nutze die Gelegenheit, um zu sagen, dass sie die ganze Forschergruppe bei der WHO ersetzt haben. Donc la tête de la science, c'était une Indienne condamnée à mort en Inde. Der Kopf von dieser Head of Science de l'OMS. Ah, das ist Head of Science ist also die Leiterin des Gesundheitsbereichs, der Wissenschaft. Es war eine Inderin und die ist zu Tode verurteilt worden in Indien. Elle a démissionné avec beaucoup d'autres. Sie ist von der WHO weggegangen vorher. Oui, il y a deux mois. Ah, vor zwei Monaten ist sie gestorben? Non. Ah, nein, sie ist nur verurteilt worden, sie ist aber nicht gestorben. Je sais pas. Ils ont nommé Jérémy Farrell, qui est le directeur actuel de Wellcome Trust. Und sie haben an ihre Stelle den Jérémy Farrell. Oui, qui est le directeur de Wellcome Trust. Und er ist gleichzeitig Direktor von Wellcome Trust. Et quand vous cherchez, vous allez voir le board of directors. Und wenn Sie dort den Verwaltungsrat anschauen, Et il y a une femme africaine qui est spécialisée dans les nanoparticules et les nanotech. Gibt es dort eine Frau aus Afrika, die ist Spezialistin im Bereich Nanopartikel und Nanotechnologie. Qu'elle a étudié en Angleterre, etc. Hat sie in England studiert und so weiter. Et d'autres. Mais vous voyez, und noch andere. Je vous invite à aller chercher, quand vous voyez un nom, vous allez chercher qui c'est et qui c'est qui est derrière le groupe, parce qu'ils font des bulles d'organisation, comme ça a été dit, et c'est un grand, grand Ponzi scheme, c'est vraiment énorme. Comme ils se cachent toujours les mêmes derrière avec. Also, ich möchte Sie wirklich einladen, wenn Sie einen Namen haben, zu recherchieren, wer ist dahinter, welche Firma vielleicht, wer ist hinter der Firma, weil Sie haben so Verschachtelungen, wo Sie sich so gut verstecken, das ist wirklich unglaublich. Oui, donc voilà, je vous ai donné un petit peu un cours de mais c'est pour que vous puissiez vous-même chercher, vous-même comprendre. Also ich habe euch ein bisschen Unterricht gegeben, aber das mache ich, damit ihr eben selber recherchieren könnt. Alors, la phase 2 du total control, il y a l'aspect du digital code qui est très important. In der zweiten Phase gibt es also die Phase des digitalen Codes, mm-hmm. sehr wichtig. L'énergie qui sont en train de, d'essayer de nous faire croire qu'on en a besoin, de, l'électricité qui coûte cher, tout ça. Der teure Strom, also was mit Energie zu tun hat. Mais ce qui est le plus important avec là, ce qu'on fait, c'est l'OMS veut faire un gouvernement, one health, one government for all. Und was das Wichtigste ist da drin, ist, dass die WHO eine Gesundheit, eine Welt, eine Weltregierung machen möchte. Avec une imposition d'une pandémie éternelle, d'un test éternel, et puis de, d'aller avec trust, track, trace, sans, sans protection des données, sans consentement éclairé. Dass wir eine ewige Pandemie haben und dass wir darin die, den Schutz unserer privaten Daten verlieren. Donc ça, ça a à faire avec la constitution de l'OMS et nos constitutions. Et c'est ça que je vais vous montrer maintenant parce que ich zeige euch jetzt, wie das mit der Verfassung der WHO und mit unseren Verfassungen zu tun, voilà. Also verbunden ist. Donc il y a deux documents pour que vous compreniez que cette dictature totale est vraiment grave. Damit Sie verstehen, dass diese totale Diktatur wirklich schlimm ist, gibt es zwei Dokumente. C'est ce règlement sanitaire international, c'est le règlement juridique de la gestion d'une épidémie ou une pandémie. Also es gibt die internationalen Gesundheitsvorschriften, das ist von juristischer Seite die Aufzeichnung, wie man eine Pandemie, wie man mit einer Pandemie umgehen sollte. Et la version de 2005 est très bien. Und die Fassung von 2005 ist ganz in Ordnung. Chaque pays fait ce qu'il veut. Jedes Land macht, wie es möchte. Et il adapte à son climat, à ses montagnes, à son système de santé. Passt die Maßnahmen an sein Klima, an sein Gesundheitswesen an. Au nombre de médecins, au nombre d'infirmières. An die Anzahl Ärzte, die es hat, an die Anzahl Krankenschwestern. Aux maladies qui prévalentes. Tous les pays sont différents. Jedes Land ist anders. Jedes Land kann das anpassen an Krankheiten, die es selber hat. Noch weitere Krankheiten. Donc ça, ils sont en train de le changer complètement. Und da sind sie dran, das völlig zu ändern. Et le deuxième, c'est la Constitution. Alors on va aller à travers les deux documents. Das zweite ist die Verfassung der WHO. Wir gucken gleich beide Dokumente an. Voilà, l'OMS a fait un document en 1969. Déjà, ça existait déjà le règlement. Il y avait trois maladies. Il y avait yellow fever, la fièvre jaune. Also 1969, als dieses Dokument das erste Mal verfasst wurde, gab es das Gelbfieber. Ouais, la plague, la plague, Cholera. Et puis, il y avait trois maladies, Cholera, fièvre jaune et une autre. Comme ça, ça va. Also drei Krankheiten. Plague, voilà. Mais ici, c'est ce qu'on a aujourd'hui et vous voyez que le respect des droits du voyageur, le respect de sa liberté de voyager était préservée dans ce document et on n'avait pas le droit d'imposer. Damals in dieser Fassung waren die Rechte und die Datenschutz-Aspekte für die Reisenden noch berücksichtigt. Je faisais des exercices avec les pays pour qu'ils respectent toujours le droit des personnes et de leur bagage. Ich habe da verschiedene Schulungen gemacht mit Ländern, damit sie die also Passagiere und deren Gepäck respektvoll behandeln. Et en fait, ils doivent aller à travers un algorithme qui a quatre questions. Und sie müssen da durch einen Algorithmus durchgehen und der hat vier Fragen. Et il y a une sélection des maladies, ensuite savoir si c'est très sérieux, s'il y a des morts. Zuerst um welche Krankheiten geht es? Oui. Yeah. Mm-hmm. Dann ist es ernst, gibt es viele Tote. Mm-hmm. Et puis ensuite, si ça a traversé la frontière. Danach die Frage, hat es die Grenze überschritten? Et est-ce que ça va avoir un impact sur les voyages et le commerce? Und wird es einen Einfluss auf die Reisen und die Wirtschaft haben. Et ça, c'était pour protéger les commerces et pour protéger qu'on ne va pas arrêter de voyager. Und das war zum Schutz der Wirtschaft und auch darum, dass man nicht die Leute daran hindert, weiterhin zu reisen. On va pas les lockdown comme ça, dass man sie eben nicht in einen Lockdown zwingt. Donc, ils ont fait complètement l'opposé. Und es wurde natürlich genau das Gegenteil gemacht. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, il y a tous les risques qu'il y a dans une maladie, on doit les analyser tous. C'est très important. Je vais die vous Risiken ça. Für eine Krankheit, die muss man alle untersuchen. Ça, c'est maladie infectieuse. C'est juste une bulle. Also, ansteckende Krankheiten zum Beispiel steht oben. Ça, c'est les maladies qui sont liées à la nourriture. Oder Krankheiten, die übers Essen übertragen comme werden. Comme les salmonelles, par exemple. Zum Beispiel Salmonellen. Si elles sont dans le beurre de cacahuète, in peanut butter. Wenn die in der Erdnussbutter vorhanden sind. On doit chercher à la ferme. Si c'est la ferme, si c'est l'industrie, si c'est le champ. C'est un grand travail d'investigation. Muss voilà. Man wirklich investigativ vorgehen und die ganze Kette untersuchen? Ist es bei der Produktionsstätte oder ist es in der Verarbeitung infiziert worden? Et je fais rapidement parce que c'est très important parce que dans notre cas de Covid SARS-CoV-1, je pense pas du tout que c'est le virus vraiment. Il y a un problème chimique. C'est la sécurité chimique qu'il faudrait investiguer et radionucléaire, la sécurité radionucléaire et des accidents et des empoisonnements toxiques délibérés. Donc on avait beaucoup de, il y a beaucoup de causes, c'est ça que je veux montrer avec ça, qu'on n'a pas du tout investigué. Also es gibt viele Gründe, warum man krank werden kann und gerade jetzt mit SARS-CoV-1 und COVID, also ist es, je peux remettre le feuille? Ouais. Quoi? Je peux remettre le feuille? Ah, pardon. Voilà. Würde ich ganz besonders das unterstreichen mit chemischen, also Vergiftungen durch chemische Dinge oder durch verseuchte Dinge, also radionukleär. J'ai pas suivi. Pas grave. Also strahlenverseuchte Dinge oder. Et puis des accidents délibérés. C'est des toxicités ou des empoisonnements délibérés, comme l'anthrax, comme le polonium. Y a des, par exemple, le venin de serpent, il est très, très dangereux. Il y a des plantes qui peuvent tuer. Il y a des choses très toxiques dans la nature, dans les animaux. Ça doit être analysé aussi. Ja, man muss auch andere giftige Dinge untersuchen, zum Beispiel Schlangengift ist sehr giftig, es gibt auch ganz giftige Pflanzen oder auch bewusst verursachte Krankheiten wie damals der Anthrax mit Anthrax. Mais où sont les docteurs qui peuvent analyser des impacts chimiques radionucléaires ou radiotechnologiques? Aber wo sind die Ärzte, die solche chemischen Vorgänge, Vergiftungen oder auch mit nuklear verseuchten Menschen Radiation à micro-ondes. Ja, oder Mikrowellen verseuchte oder Mikrowellen geschädigte. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Es gibt wenige Ärzte, die das untersuchen Mais können. Les symptômes sont les mêmes que ce qui arrive maintenant. Aber die Symptome sur certaines sind, tableaux cliniques. Die gleichen wie das, was man scheinbar sieht mit dem Virus. Ja, les morts, sudden death, les morts immédiates sur le terrain des footballeurs qui tombent et puis qui font des crises d'épilepsie, c'est impossible que c'est un virus. C'est pas possible. Die Tote, qui mute tout le temps. Die Fußballer, die mitten auf dem Spielfeld zusammenbrechen, einen epileptischen Anfall haben und dann sterben, es ist unmöglich, dass das ein Virus ist. Ja, qui mute tout le temps. Ein Virus, das immer mutiert. Donc ce n'est pas le coronavirus, c'est quelque chose d'autre. Es ist also nicht das Coronavirus, es ist etwas anderes. Et j'ai écrit un article que vous pouvez voir, Acta Biomedica, où je compare SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2. Ich habe einen Artikel geschrieben, wo ich SARS-CoV-1 und SARS-CoV-2 vergleiche. En mai 2020. Das habe ich 2020 im Mai geschrieben. Parce que je comprenais pas. Donc quand on compare, on peut voir la vérité en plus. On peut approcher la science. Und wenn man die beiden vergleicht, dann kommt man der Wahrheit ein bisschen näher. Voilà, et donc SARS-CoV-1 a duré 8 mois. SARS-CoV-1 hat 8 Monate nur gedauert. A touché 24 pays successivement. Hat 24 Länder betroffen, aber nach und nach. Et 787 morts. Und ein bisschen, knapp 800 Tote ja. gab es. Voilà, et 8000 malades. Etwa 8000 Kranke. Alors pourquoi SARS-CoV-2, qu'on appelle COVID-19 en symptômes, est encore aujourd'hui la loi d'urgence, est sous une loi d'urgence encore aujourd'hui, jusqu'en 2024. Warum löst dann SARS-CoV-2, das wir auch COVID-19 nennen, das Notstandsrecht aus, in dem wir heute noch sind? Voilà, donc ça c'est des questions. Maintenant je veux vite aller sur la Constitution et vous montrer le coup d'État global, comme ça je peux laisser la place aussi à Philippe après. Mais c'est important, puis je vous donnerai quelques solutions. Donc, also, ich zeige Ihnen kurz die Verfassung und dann, wie auch dieses weltweite Staatsstreich vorbereitet oder gemacht wird. Okay, so, on va commencer avec la Constitution, parce que c'est le plus important. Alors, l'OMS a une Constitution qui a été adoptée après la guerre, en 1948. Nach dem Krieg 1948 hat die WHO eine Verfassung bekommen. Mm-hmm. Avec un préambule. Da ist auch eine Präambel drin. Qui est très intéressant parce qu'il se lie à la charte de l'ONU, donc ils sont liés avec l'ONU. Diese Präambel ist sehr interessant, weil die ist verbunden mit der UNO-Charta. Donc l'ONU dirige l'OMS, mais l'OMS remonte dans tous les pays du monde et tous les présidents, tous les ministres de la Santé, tous les ministres du Travail. Tout... Die UNO est importante. Parce qu'il est à la tête de tout l'ONU, toutes les agences de l'ONU. Also, die oui. WHO ist bei der UNO angeschlossen, aber die WHO ist anschließend auch verbunden mit allen Gesundheitsministerien, allen Regierungen von allen mm-hmm. Ländern. Ouais. Depuis l'ONU, depuis tout en haut, l'ONU, j'ai le chart, mais depuis l'ONU, qui s'assemble, l'Assemblée générale est en septembre à New York chaque année. Also, die Assemblée générale, die Generalversammlung der UNO findet jedes Jahr im September statt. Avec tous les présidents. Und mit allen Präsidenten. Uh-huh. Donc tous les pays peuvent mettre les ordres en exécution dans leur pays. Das heißt, alle Präsidenten können dann diese Befehle in ihrem Land umsetzen. Mm-hmm. Donc la tyrannie, elle vient de là. Und die Tyrannei kommt von dort. Mais aussi l'OMS, puisque c'est la ministre de la Santé. Aber auch von der WHO, weil die kümmert sich um den Bereich der Gesundheit. Et la santé est dans tous les ministères. Und die Gesundheit est dans tous les ministères. Ist auch in allen Ministerien. Santé au travail, santé chez les réfugiés. Sei es an der Arbeit oder bei den Flüchtlingen. Gesundheit ist immer ein Thema. Okay, alors rapidement, il y a trois articles qu'il faut regarder très près dans cette constitution qui donnent la possibilité à l'OMS de faire une tyrannie. Es gibt drei wesentliche Artikel in dieser Verfassung, die der WHO ermöglicht, eine Tyrannei aufzubauen. Et l'article 21 donne le droit à l'Assemblée de l'OMS. Der Artikel 21 gibt der Generalversammlung der WHO die Macht, d'adopter des régulations, Reglemente zu verabschieden, sur le lockdown, la quarantaine, les mesures. Quarantänen, Lockdown, mesures, tout ce qu'on alle a. Alle Maßnahmen, die wir gehabt haben. Ja. Les diagnostics, les procédures diagnostiques. Die Diagnoseprozesse. Vous voyez, il y a cinq points. Les diagnostics, les procédures. Sie sehen hier, der Artikel ist in fünf Punkte untergliedert. Das mm-hmm. sind diese verschiedenen Punkte. Voilà, les procédures, comment valider les produits médicaux. Die Prozeduren, wie medizinische Produkte validiert werden, also comme zugelassen. Comme le vaccin ou la technologie. Die Zulassung zum Beispiel der Impfungen. Et ce qui est dangereux, c'est que dans l'article 19 et 20, c'est la procédure de vote. Und was eben gefährlich ist, ist im Artikel 19 und 20 wird das Wahlverfahren beschrieben. Voilà. Et si vous êtes tous les pays du monde, si deux tiers disent on est d'accord avec la dictature, und wenn wir hier alle Länder der Welt hätten und zwei Drittel würden ja stimmen, zu dieser Art Maßnahmen, dann hätten wir eine Diktatur. Ja, tout le monde doit être d'accord. Tout le monde est d'accord. C'est la majorité des deux tiers pour le monde entier. Es zählt die Mehrheit und dann wird das für die ganze Welt so umgesetzt. Et ça, c'est inadmissible puisque l'OMS ne peut pas imposer une majorité au monde entier sur nos constitutions quand deux tiers des pays ont été corrompus par eux, par exemple. Ja, und das ist völlig unzulässig. Die WHO kann nicht mittels so einer Abstimmung über unsere eigenen Verfassungen gehen und darüber bestimmen. Juste pour majorité, juste par majorité. Nur über eine Mehrheit der Staaten insgesamt. Donc ça, il faut dire non tout de suite. Non, nous, also, on n'est pas d'accord avec cet article de vote sur nos constitutions. Also dazu müssen wir unbedingt sofort Nein sagen, dass wir nicht einverstanden sind mit diesem Verfassungsartikel. Ja. Mais je vais peut-être aller plus. Ouais, je vais aller peut-être au but là. Voilà. En fait, ce qu'on doit faire avec la constitution de l'OMS, qu'est-ce qu'on peut faire? Was können wir machen? C'est que la première chose, c'est que on doit comprendre que les pays sont plus les États ne sont pas des États. Das erste ist, wir müssen verstehen, dass die Staaten nicht mehr Staaten ne nous représentent plus. Sie vertreten uns nicht mehr. Parce qu'ils obéissent à l'OMS. Weil sie gehorchen der WHO. Et pas nous. Und nicht uns. Donc, une des solutions, c'est qu'on donne, on paye l'OMS avec nos impôts. Eine Lösung wäre zum Beispiel, wir zahlen ja die WHO mittels unserer Steuergelder. Uh-huh. Et donc on dit non, on n'est pas d'accord. Dass wir Nein sagen, wir sind nicht einverstanden. No accountability, ce qu'ils font c'est une dictature, on n'est pas d'accord. Donc on doit dire non à plusieurs choses. Wir müssen Nein zu verschiedenen Dingen sagen. Et donc sortir de l'OMS, oui, donc ça c'était une chose que, voilà. Ce qu'on peut faire, on peut dire, si on pense que c'est juste temporaire et qu'ils vont changer, on accepte. Des réservations ou des oppositions. Also wenn wir denken, das ist nur zeitweise so, dann tun wir einfach den Inhalt kritisieren oder wir gehen ganz raus. On oppose juste une chose ou l'autre. Ja, wir können entweder gezielt kritisieren und dagegen stellen. Oder mais dans ce cas, si vous pensez que ça va durer, et je vous ai fait la démonstration que ça va durer. Aber wenn Sie denken, dass das vielleicht noch länger geht, und ich habe Ihnen bewiesen, dass das noch länger gehen wird, eh ben, il faut absolument sortir de l'ONU et de l'OMS, puisque ja. L'ONU et l'OMS sont impliqués. Da muss man unbedingt aus der UNO und aus der WHO austreten, weil die ja beide verbunden sind. Mais c'est con. Et ce qu'on peut faire aussi, et c'est ça où je pense que il faut arrêter la finance, il faut vraiment que quelqu'un analyse correctement comment nos impôts sont utilisés aujourd'hui, parce qu'on paye tout, et ils changent les lampes dans les rues, on ne voit plus rien sur la route. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on ne voit plus la route la nuit. Avant, il y avait des lampes. Il n'y a plus de lampes. Il y a des lampes où on ne veut pas. Ils ont changé. Quand on observe comme dans un village, on voit qu'il y a des changements. Also, haben Sie vielleicht gesehen auf der Straße, es gibt weniger Lampen oder Sie haben die Lampen ausgewechselt? Also, wir müssen auch genau untersuchen, was mit unseren Steuergeldern gemacht wird. Ja. Ou les 5G. Oder auch die 5G-Technologie. Exponentiell. Donc, on n'arrive plus à gérer le village. Si on dit au maire, non, mais on n'est pas content, il ne nous écoute plus. Wir können also unser kleines Dörfchen nicht mehr in Griff kriegen, wenn wir dem unserem Vorsitzenden sagen, wir wollen das nicht, dann hört er uns nicht mehr zu. Et les votes sont fraudés, puisque c'est des CEO, nos gouvernements sont inscrit au registre du commerce de Bruxelles en 2014 et en 1993 und 2014 wurde die Schweizer Konföderation in Brüssel im Handelsregister als Firma eingetragen. Ja, sie haben die Nummer, c'est tout inscrit. Die Konföderation hat dort eine Nummer. Et je crois que c'est Widmer Schlumpf qui a aussi fait une SA de la Suisse, une société anonyme. Ich glaube, es ist Frau Widmer Schlumpf, die auch eine Aktiengesellschaft aus der Schweiz gemacht hat. C'est un politicien qui m'a dit. Donc vous allez chercher et vous comprenez qu'il obéit plus à nous et on doit vraiment recréer autre chose parce que ça va continuer tout le temps. Es wird weitergehen und recherchieren Sie selber, dann sehen Sie, dass Sie uns nicht mehr gehorchen. Donc Donc on peut plus croire au vote électronique, on peut plus croire à ça, c'est fini partout dans le monde. On doit revenir à la Landsgemeinde ou quelque chose de plus local où on compte et on signe et on peut contrôler nos votes. Also wir können nicht mehr auf die elektronische Abstimmung vertrauen. Wir müssen zurück zur Landsgemeinde, wo wir einzeln die Stimmen zählen können und zusammenrechnen. Et puis alors la dernière idée qui m'est venue, parce que j'étais aux États-Unis avec un certificat exemption, mais on m'a dit que Trump, en fait, le président Trump, il a créé, et ça c'est une idée géniale. Le président Trump a une super idée. Je suis kürzlich in den USA et je pouvais un certificat vorweisen, dass ich eben nicht geimpft werden kann. Donc je propose ça aussi au groupe qui fait l'initiative et à vous tous, c'est d'éduquer les enfants et toutes les générations sur la Constitution, de mettre en place ce groupe-là. Et ce que je weiterhin empfehlen würde, c'est dass man die weiteren Generationen, also die Kinder, aber auch alle Generationen, darüber aufklärt, was die Verfassung beinhaltet. Oui, faire vraiment une campagne d'éducation. Qu'est-ce que c'est la Constitution? L'importance de la Constitution, de nos droits et de recréer un jury local. On doit penser complètement différent. D'ailleurs, l'agriculture aussi. Tout doit être pensé en parallèle. Alles muss parallel gedacht werden und wir müssen wieder wissen, was eine Verfassung ist und was unsere Rechte sind. Oui. Parce qu'on peut pas accepter que un monde gouverne, one world, one health, que l'OMS gouverne notre pays et notre vie. On peut pas accepter. Wir können das nicht akzeptieren, dass die WHO mit ihrer One, eine Welt, eine Gesundheit, Idee uns regiert. Oui. Donc voilà les solutions, en tout cas, que nous tous, on doit s'éduquer et recréer, reprendre en main la Constitution dans tous les secteurs. Et l'agriculture aussi. Also, das wären meine Vorschläge. Wir alle müssen uns wieder bilden darin, was ist die Verfassung. Et d'ailleurs, j'ajoute ça, aux États-Unis, j'étais invitée dans un sommet pour les leaders de l'opposition, pas l'opposition, de la libération, et il y avait une ferme. Und ich war dort in USA bei einem Treffen, und, also Treffen für die Freiheit, und ja, dort war jemand pour les leaders, aus... Ouais. Et c'était en Floride. In Florida. Et on a visité une ferme. Und wir haben einen Bauernhof besichtigt. Un modèle de ferme. Ein Vorzeigemodell, qui est un modèle de société avec la ferme, und das ist ein Gesellschaftsmodell mit dem Bauernhof. Oui, et qui éduque les enfants à faire des jardins et à reprendre en main la terre pour savoir comment on mange, und comment das, on traite zum Beispiel den Kindern erklärt, wie man den Boden fruchtbar machen kann und daraus Nahrung gewinnen voilà. kann. Donc on va gagner, on a gagné, mais il faut qu'on travaille ensemble pour pas que la technologie nous pousse en bas et qu'on perde toute notre liberté. Voilà. Also wir haben gewonnen und wir werden gewinnen, aber wir müssen schauen, dass die Technologie uns nicht unterkriegt. Voilà. Und jetzt. Thank you.